طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب ما اسم المؤلف؟ نعم المعروف ب كونيو الأمير. نعم من أي بلد هو؟ من سنة. أيوة نعم من اليمن يعني من كحلان ثم انتقل لصنعاء. من الكحلان يبقي صنعاء. نقص يمينة. طيب. نكسول. خلاص نبدأ مباشرة. من الصفحة 41. هنا. تمام. طيب. كل باقي هذا عمل المحقق. tout ce qui avance c'est le travail du محقق. c'est pas le livre en soi. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. فلا يتخذون له ندا. Donc là, il commence par le hamd sur Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'accepte le tawhid de Rububiyya, de ses serviteurs, jusqu'à ce qu'il l'unifie en tawhid de l'ibada, de façon complète. Et qu'il ne prenne pas en dehors de lui d'ego. Al-nid, huwa al-mithal. Al-nid, comme a dit ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّغِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les gens certains qui prennent des égos comme Allah et les aiment, comme ils aiment Allah. Andad, c'est le djem de Nid, qui veut dire légal. وَلَا يَدْعُونَ مَهَ اللَّهِ أَحَدًا وَلَا يَتَوَكَّلُونَ إِلَّا عَلَيْهِ وَلَا يَفْزَعُونَ فِي كُلِّ حَالَهِ إِلَّا إِلَّيْهِ وَلَا يَدْعُونَهُ إِلَّا بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَ وَلَا يَتَوَسَّلُونَ إِلَيْهِ بِشَفَاعَةٍ. قال تعالى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وقال تعالى فأروني الذين أو فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Donc il dit qu'il n'invoque personne, c'est-à-dire ses ibad, qu'il n'invoque personne avec Allah, qu'il ne place sur tawakkul que sur Allah, taïeb, et qu'ils ne sont effrayés que par lui. C'est-à-dire lors de la frayeur, de la grande peur, ils ne reviennent que à lui. Il ne l'invoque qu'avec ses plus beaux noms. Et qui ne font pas de tawassul vers lui, c'est-à-dire de prendre une chose intermédiaire entre lui et eux, pour la shafa'a, comme a dit Ta'ala, dans le sens où il dit, qui donc intercède auprès de lui, si ce n'est avec son autorisation. Et la shafa'a, comme vous le savez, elle a des conditions, des shurut. Deux. L'oula, l'izn, que Allah il la permette. Et deuxièmement, rida bil shafi'a wal mashfu' ala. Que Allah, il agrée celui qui intercède et celui pour qui on intercède. Parce qu'il y a des gens, ils font tawassul, ils mettent un intermédiaire entre eux et Allah pour dire qu'ils veulent la shafa'a. Pour cela, ils tombent dans le shirk. Wa qala ta'ala, dans le sens où il dit, et montrez-moi donc ceux qui ont créé en dehors de lui. C'est-à-dire, parce qu'il y a des créateurs en dehors d'Allah. Qal, wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, rabban ma'buda. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي امر ان يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا صلى الله على اله واصحابه التابعين له في سلامه عن العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب وبعد. Donc là il fait l'attestation la ilaha illallah la sharika la, rabban ma'bouda, comme seigneur et comme adoré. Vous voyez, rabban, là c'est, quand on fait du nahou, vous saurez que l'i'arab de rabban ma'bouda, c'est ta mise. Tout comme il atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, celui dont Allah a obligé de dire dans son livre, dans le sens, dit, je ne possède pour moi ni bien ni mal, sauf ce que Allah l'aura voulu. Et Allah suffit comme témoin. puis la salat d'Allah sur son messager qui est son éloge. Vous voyez, salatullah ala abdihi wa athana. Ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et ceux qui le suivent dans la bienfaisance, qu'ils ont délaissé les manques, les défauts, et dans ceux qui se purifient les cœurs, des mauvaises croyances, des croyances qui se confondent avec toute chose. Et Anif Yadil Mukaddima, il fait un tambi de ce qui va suivre. Tayyib, dans le cœur du livre, qui est l'appel au Tawhid, Tawhid al-Uluhiyya. Et également, en réfutation à ceux qui exagèrent dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'invoque. C'est pour cela qu'il cite ce verset, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne possède rien pour lui-même. Donc, que va-t-il faire pour toi? Donc là, c'est Adi Mukaddima, Isharatan ilayma sayati inshallah zikro. C'est une forme de préambule de ce qui va suivre par la suite. Qala wa ba'd. Qala fa hadha tadhhir, tadhhir al-i'tiqad 'an ardan al-ilhad. Wajaba 'alayya ta'lifu wa tadayyaqa 'alayya tarsifu lima ra'aytu wa 'alamtu yaqinan 'an 'umum ittikhaz al-'ibad al-andad fi al-amsar wal-qura wa jami' al-bilad min al-Yaman wa al-Sham. Donc il dit Tathir al-Yartikad. Tathir, c'est le masdar de Tahara yutahiru, qui veut dire purifier une chose, laver une chose. L'Yartikad, c'est la Aqidah, c'est la croyance. Wa al-Aqidah ma hiya hiya ma ta'allaqa bi al-Qalb. C'est ce à quoi le cœur s'accroche. والعقيدة أمر أوسع من التوحيد. العقيدة هي plus que le توحيد. توحيد عند العقيدة. لكن التوحيد c'est ce qui se rapporte au droit d'Allah سبحانه وتعالى, dans son adoration. طيب, et dans son essence. العقيدة c'est plus large. Ça comporte les choses de أمور الغيب, d'après la mort. النار والجنة والصراط والميزان, تمام, والحساب. Toutes ces choses-là qui ont lieu après la mort. Et même ici en ce bas monde, les choses de l'invisible, le djinn, les anges, toutes ces choses-là. Ou même dans la aqidah, ça rentre, qu'est-ce qu'on doit penser des sahaba, des gouverneurs, toutes ces choses-là, ça rentre dans la aqidah. La aqidah, a'am nittawhid, plus large. Donc là, ce livre, c'est la purification de la croyance, des souillures de, je sais pas comment on dit, ilhad à la base, c'est le fait de pencher vers le faux. Mais là, ils visent par là souvent et un imana al-kuf ou al-shirk. C'est-à-dire de purifier la croyance de toute chose qui peut la souiller parmi les choses qui s'opposent à la croyance réelle. Donc il dit qu'il m'a été obligatoire d'écrire ce livre lorsque j'ai vu et j'ai su avec certitude ce que les gens font comme le fait de prendre des égaux, c'est-à-dire à Allah, dans les pays, dans les contrées, dans tous les pays, comme au Yémen, comme au Cham, comme au Najd, et dans les pays d'Islam. قال وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور لا يحضر المسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. Donc il dit, de quelle croyance il parle? Purifier le cœur de cette croyance que les gens ont envers les morts. Quand il dit les kubur, kubur c'est les tombes, mais les gens ne visent pas la tombe en soi, ils visent celui qui est dans la tombe. Parmi ceux que les gens ont comme croyance envers les morts, envers les vivants, parmi ceux qui prétendent connaître l'invisible. Et ces gens-là, en réalité, sont des gens du fujour. La débauche. Des gens qui ne viennent même pas dans les messagers. Des gens qui font pas salat. On les a jamais vu faire salat. Des gens qui ne connaissent pas la sunna, ni le kitab, et qui ne croient pas en la résurrection, ni même à fait de rendre les comptes. Donc là, ils visent qui? Ils visent ce qu'on trouve beaucoup chez les soufiyas, comme Roulou, dans leur mashayikh. Et leur mashayikh se nomme comme étant les khawas. Ils disent, vous êtes les awam, nous les khawas. Ils disent que nous, on est les khawas, Allah nous parle directement. Donc nous, on arrive au stade, ils prennent le verset d'Allah, où Allah est dans le Coran, il dit, wa'bud rabbak hatta yatiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur, jusqu'à ce que te vienne la certitude. Donc ils disent, la certitude, on l'a eue. Donc on n'a plus à adorer Allah. Tout ce qui est dans le Coran, tout ça, c'est pour vous, c'est pas pour nous. Donc ces gens-là, ils commettent les plus grandes turpitudes. Et malgré cela, vous voyez leurs suiveurs les élever au-dessus de leur niveau, exagérer la personne et se mettre à les adorer. Qu'ils s'en rendent compte ou pas. Donc il a dit, comme j'ai vu tout cela autour de moi, dans les pays d'islam, j'ai vu comme obligatoire que j'écrive dans le sujet afin de faire une kalamunka. Ada wa kosdo. Ou ta'alim en nas. Et bien sûr, le fait de prétendre connaître l'invisible, cela est du kufr. Amen. Et celui qui fait cela, c'est un tarout. Prétendre connaître l'invisible, c'est يعني من يفعل ذلك فهو طاغوت كما قال تعالى كل يعلم الغيب الى الله نل كودين انفيزيبل سكن سن الله وقال تعالى كل يعلم من في السماوات والارض الغيب الى الله اي لي فيرسي سو نومبر ثم قال فوجب علي ان انكر ما اوجب الله انكارا ولا اكون من الذين يكتمون ما اوجب الله اظهارا. Qu'il a dit, il a été obligatoire sur moi de blâmer ce que Allah a rendu obligatoire de blâmer. Et de ne pas être de ceux qui cachent ce que Allah a rendu obligatoire de faire apparaître. Cacher la science et la vérité. Qu'al Allahu Azza wa Jal, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ فَأُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. الآيه. Que ceux qui cachent ce que Allah fait descendre comme preuve, comme guidée, après que nous l'ayons éclairci pour les gens, ceux-là seront maudits par Allah et seront maudits par les maudisseurs. Donc le fait de cacher la vérité est une cause de l'a'na. Wa l'a'na ya at-tard an rahmatillah. Que tu sois sorti de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ce fut le cas de qui? Iblis. Liyaza sumia. سمي اللعين التي تقول اللعين ثم قال فاعلم أن ها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجيب معرفته على موحدين. Donc là, il te dit, sache qu'il y a des fondements, ils font partie des règles de la religion, parmi ce qui est de plus important de connaître pour le muwahhid. Les choses qu'il doit savoir, le muwahhid, pour qu'il préserve son tawhid. Car ce n'est pas toute personne qui prétend être muwahhid et dire la ilaha illallah qui a forcément compris ma manette tawhid. Comme c'est le cas de la plupart des gens aujourd'hui, le tawhid c'est une chose qui n'est pas assimilée, qui n'est pas comprise malheureusement. Sans quoi, la umma ne serait pas dans le hell dans lequel elle est actuellement. Naam. Donc là il va commencer par Bardahada. C'est yafkuru usulan mukhtalifa. Usul, c'est le diam de asl. Wal aslu huwa ma yubna alayhi ghayruhu. C'est une chose sur laquelle on bâtit autre chose. Voyez, comme les maisons, usul al-bayt, c'est les fondations de la maison sur lesquelles on bâtit la maison. Et si les usul sont kawiyya, voyez, le reste le suivra. Mais si elles sont faibles et fragiles, le reste s'écoulera par la suite. Moindre ébranlement, moindre vent, moindre chose, la maison, ou ce que tu as construit sur tes fondations qui sont mauvaises, fragiles, ça va tomber. Fa, dinouk, sawa. Akhilatouk, sawa. Aza. Et le chien a choisi l'asal awel. Fakat, inshallah. Qal. L'asal al-awel. Wad al-asal, huwa, anna, kullama fil Qur'an haq. C'est ça. Il veut te faire comprendre que le Coran, ce qu'il y a dedans, c'est haq. Donc, en premier lieu, le Coran, c'est ta loi, c'est ton juge. Il y a le contenu. On revient au Coran en cas de divergence. فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُ قَدْ عُلِمَ مِنْ دَرُورَةِ الدِّينِ أَنَّ كُلَّ ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، هدى لا ضلال، وعلم لا جهالة، يقين ولا شك فيه. Donc on a su par la daroura, c'est de la religion on parle, que toute chose qui est dans le Coran est vérité, voyez, et non faux, fausseté, et véridique et non mensonge, guidé et non égarement, science et non ignorance, certitude et non doute. Quand même, comme a dit Allah Ta'ala, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنذير من حكيم حميد. Rien ne lui vient. C'est-à-dire là, il parle de son livre. Le faux ne lui vient ni de devant, ni de derrière. C'est une descente du sage et du loué. Là, il parle de son livre. Dans le Coran, il n'y a rien qui est faux. قال فهذا أصل لا يتم إسلام أحد إلا ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. Donc ce fondement, ce asl, l'islam de la personne ne peut être complété si ce n'est pas ce asl. Et qu'il le reconnaisse et qu'il l'accepte. Et c'est une chose sur laquelle il y a ijma, unanimité de la umma sans divergence. Celui qui viendrait à dire que le Coran fi naqs, ou fi batil, ou fi shay, laysa mathalan min kalam illah ou ghayr dhalika, ça c'est du kufr. Comme c'est la croyance des rafidah. Ils disent que le Coran il est naqs. Et le Coran n'a pas été altéré, comme ce fut le cas des kutub sabiqa. Qala ta'ala, inna nahnu nazzalna zikr, wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui sommes protecteurs. Donc le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre, et le protège son livre. Avec des causes. Les ulama, l'ilm, wa les alika. Donc celui qui viendrait à dire que le Coran il a changé, ou que le Coran qu'on a actuellement n'est pas, quand même la parole d'Allah ou ghayr dhalika, hada kufrun. Maintenant, il y a des lectures qui diffèrent dans le Coran. Des fois, des mots changent en fonction des lectures qui ont été faites. Ça, ça ne rentre pas dans le sujet. Ou alors, taghayyarat al-alfaz fi ba'd al-qira'at, là, il y a taghayyar al-ma'na. Le sens, il reste le même. Le jugement reste le même. Tu ne verras pas un verset qui dirait une chose. Dans une qira'a, il veut dire un autre jugement. C'est juste un autre terme. Voyez? Et souvent, il y a différentes lectures t'indiquent et se complète. Quand même, elle te rend le jugement plus clair dans certains points. Là n'est pas le sujet. Et Cheikh al-Abbad, en tahdhir de ce kitab, comme vous pouvez le trouver en bas, il dit que le Coran, quand même, et la Sunna également, kilahuma wahi, les deux sont révélations. Donc le hukm sur le Coran est le même que sur la Sunna par rapport à la croyance qu'on a dans ce qui est authentique de la Sunna. Que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas à la rejeter. Car, comme quand le ta'ala, wa ma atakumu rasulu fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager vous apporte, prenez-le. Tayyib. Et ce qui vous interdit, délaissez-le. Encore là, wa ma yantiku anil hawa. Ne prononce pas sur le feu de la passion. In huwa li wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation qui lui a inspiré. Donc, la sunna kazalik. Nous, on suit Quran wa sunna. Et vous le savez en plus, on comprend le Coran et la Sunna avec la compréhension des salafs. Non. Taïeb. Taïlum, c'est l'akrifuna, inshallah ta'ala. On a pris le muqaddima du mu'allif, qui est tamihi de ce qui va suivre, il indique de quoi va parler le livre. Et on a pris l'asl awel, wa huwa an al-Qur'an, huwa haq. Le Coran, tout ce qui est dedans, c'est haq. Comme ça, l'auteur, par la suite, t'amènera à revenir au Coran. Dans les choses que les gens font en mukhalafat, le Coran te dit le contraire. Faut pas que les gens disent comment tu sais que ce que je fais c'est faux. Il y a ce Coran qui le dit. Hein? Non. Ma foum, hada? Taïe. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.